un temps pas si lointain où tout était à peu près simple. L'homme était apparu dans l'est de l'Afrique, d'abord Lucie, puis les Australopithèques, les Homo habilis erectus, et puis vers 200 000 ans avant notre ère, Sapiens le beau, le grand, le fort, qui domina la planète, laissant derrière lui son cousin un peu demeuré, Néandertal. Mais ça c'était avant Toumaï, avant la réhabilitation de Néandertal, avant Naledi et Denisova, et surtout avant Jebel Iroud qui fait prendre à Sapiens un coup de vieux de 100 000 ans, tout cela en partie grâce au progrès des techniques de datation. Faut-il réécrire l'histoire de l'homme ? C'est le problème un peu vaste, certes, mais que nous allons tout de même tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour réécrire cette histoire vaste et foisonnante, nos narrateurs du jour sont Jean-Jacques Hublin, bonjour. Bonjour. L'homme derrière Jebel Iroud, on va en reparler dans quelques instants. Professeur invité à la chaire internationale de paléoanthropologie, au Collège de France et professeur au Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology à Leipzig. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Catherine Henny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Université de Grenoble au sein du laboratoire d'écologie alpine. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission en direct sur le fil Twitter de la méthode scientifique en vous abonnant au compte @laméthodefc, ce qui risque d'être pratique quand on va commencer à parler d'arbres phylogénétiques qui, comme on va le voir, est de plus en plus touffu et de plus en plus complexe. Alors, pour commencer, eh bien au vu de la datation de Jebel Iroud, je l'ai dit à l'instant, qui donne 100 000 ans de plus à Homo sapiens et dans un foyer qui est un foyer inhabituel par rapport aux foyers initiaux qui se trouvent plutôt en Éthiopie. Donc, cette datation qui ouvre de nombreuses portes pour penser finalement tout à fait différemment l'âge et la distribution d'Homo sapiens sur le continent africain. Eh bien, pour commencer, faut-il faire comme ce qui a été fait il y a très peu de temps avec l'arbre phylogénétique des dinosaures ? Est-ce qu'il faut tout effacer et tout réécrire, Catherine Henny ? Alors, je pense que c'est jamais une réécriture complète des choses. C'est des petites choses qui se rajoutent et qui se contredisent parfois, mais qui en fait déroulent un fil qui, quand même, n'est pas à réécrire chaque fois. Jean-Jacques Hublin ? C'est-à-dire que l'arbre de l'humanité, c'est un arbre pour lequel de nombreuses branches manquent et sont encore à découvrir. Et l'organisation de ces branches entre elles fait l'objet de débats, de changements. Alors, il faut plutôt voir ça comme, je dirais, une image floue qui devient de plus en plus nette. On voit des détails qui n'apparaissaient pas auparavant. Alors, dans le cas précis de Jebel Iroud, c'est vrai que l'enracinement de notre espèce est vu de façon complètement différente depuis cette découverte. Et que, en tout cas pour ce chapitre-là, il faudra un petit peu réécrire les manuels. Alors justement, parlons un peu de Jebel Iroud. C'est une datation qui a ébranlé l'histoire de nos origines, même si ça fait un certain temps qu'on met en doute ces 195 000 ans qui seraient le début d'Homo sapiens. On avait des indices, mais des indices qui n'étaient pas tout à fait concluant. Jebel Iroud, même, c'est une histoire dont on parle énormément depuis 15 jours, mais c'est une histoire qui a commencé à la fin des années 60, Jean-Jacques Hublin. Au début des années 60. C'est-à-dire que c'est un site qui a été découvert de façon complètement accidentelle par des mineurs qui travaillent dans une mine de barytine et qui ont éventré une cavité qui était une ancienne grotte avec des sédiments, des silex, des os. Et donc le premier fossile humain de Jebel Iroud a été découvert de cette façon. Malheureusement, la mine a continué son travail. Et donc c'est vrai que ce gisement est un gisement un peu martyr. Et le premier extrait, c'était une mâchoire partielle, c'est ça hein? Non, c'est un crâne. C'est un crâne, La première fois, c'était un crâne. Disons, dans les années 60, on a trouvé 5 ou 6 pièces qui étaient assez intrigantes parce que, elles étaient intrigantes surtout parce que leur âge était complètement sous-évalué. Et on voyait pas très bien comment elle s'intégrait dans l'image générale de l'évolution de notre espèce. C'est-à-dire qu'au début, ces premières pièces, on les date comment, et on pense que il y a plusieurs théories qui s'affrontent. On sait pas très bien ce qu'on a trouvé. C'est un peu embarrassant de le dire, mais on les a datées un peu au pif en fait. C'est-à-dire en gros Voilà, les gens se sont dit, tiens, il y a un bourrelet susorbitaire, il y a des outils qui ressemblent un peu à du moustérien, ça doit être quelque chose comme un homme de Néandertal. Mmh. Allez, paf, 40 000. Mmh. Au début, c'est 40 000. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu un essai de datation C14 qui n'a rien donné, évidemment. C14, carbone 14, hein, voilà. Bien sûr. Mmh. Donc la réponse du laboratoire, je crois que c'était Nancy, a été de dire, c'est plus de 40 000. Mmh. Et ce plus de 40 000 est devenu 40 000 dans un certain nombre d'articles. Alors ensuite, il y a eu plusieurs essais de datation qui ont été faites, avec des méthodes parfois assez sophistiquées, mais dont la limitation venait du fait que des méthodes comme la résonance électronique de spin, par exemple, implique qu'on mesure la radioactivité locale des sédiments. Et ça, personne ne l'avait encore fait. Donc, on avait des espèces d'estimations possibles. On calculait des âges en fonction de ça. Ça a été une des raisons pour lesquelles on a voulu reprendre l'étude de ce site, c'est-à-dire obtenir ce qu'on appelle dans le jargon une dosimétrie, c'est-à-dire une mesure de la radioactivité des sédiments pour réévaluer ces dates. Et puis, on s'est trouvé qu'en faisant ce travail, on s'est rendu compte qu'on pouvait en fait utiliser une autre méthode de datation qui était encore plus précise. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à cet âge de 300 000. Alors, on a eu la chance, en plus, de tripler le nombre de fossiles humains qui avaient été, même quadruplés, qui avaient été découverts dans ce site. Comment est-ce que vous y êtes, pourquoi et comment y êtes-vous retourné, Jean-Jacques Hublin, à Jebel Irhoud? Parce que, au début, on disait 40 000, puis il y a eu une autre estimation, on a dit finalement c'est 160 000. Il y a eu des théories un peu exotiques, hein, comme le fait qu'il se serait agi d'hybrides Néandertal-Sapiens. Enfin, tout ça était quand même un peu confus pendant très longtemps. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu y retourner, que vous avez cherché au début des années 2000 à réexploiter ce site et à réouvrir des fouilles? En fait, ça fait très longtemps que je voulais reprendre l'étude du site de Jebel Irhoud, mais malheureusement, j'ai visité le site plusieurs fois dans les années 80-90. Il était clair qu'il y avait des travaux de terrassement à faire énormes, et c'est seulement quand j'ai été recruté par la société Max Planck que j'ai pu entreprendre ce travail. Mmh. Et aujourd'hui, ce qui a permis la technique que vous avez utilisée pour arriver à cette datation de allez-y. Non, pas de problème. Ouais. La technique de datation que vous avez utilisée pour arriver à cette datation de 300 000 ans, c'est la thermoluminescence. Expliquez-nous un peu justement comment ça s'est passé, pourquoi avoir choisi cette technique et sur quoi vous l'avez exercée. Bon, je parlais de cette radioactivité des sédiments. Cette radioactivité des sédiments, qui est une radioactivité faible, hein, elle est partout autour de nous. Elle charge en énergie certains objets, en particulier le silex. Et ce silex, quand on le chauffe au-dessus d'une certaine température, eh bien, il va libérer cette énergie sous forme de lumière. Voilà, le principe est assez simple. On peut, en mesurant, en connaissant la dose, c'est-à-dire la quantité d'énergie émise par les sédiments, on peut prendre un bout de silex, le chauffer, mesurer la lumière qu'il émet, et calculer le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'il a été chauffé, la fois précédente. Mmh. Et donc, si on a la chance d'avoir, comme c'est le cas à Jebel Irhoud, un site avec des silex qui ont été accidentellement brûlés par des foyers qui étaient installés sur le sol, eh bien, on peut dater l'âge de ce foyer, en fait. Mmh. Yves Coppens a estimé que cette datation invitait à repenser de nombreuses fouilles sous un nouveau jour. Est-ce que Jebel Irhoud est un précédent, et est-ce que il faut revoir, repenser d'autres foyers, redater notamment grâce à la thermoluminescence d'autres silex? Est-ce qu'on va découvrir finalement, est-ce qu'on est à l'aube de découvrir d'autres sites dont on va pouvoir préciser la datation et repenser la distribution d'Homo sapiens sur le continent africain? La thermoluminescence, c'est une méthode donc qui s'applique aux silex chauffés, donc il faut des silex chauffés. Et c'est le problème de beaucoup de méthodes de datation, c'est-à-dire qu'elles peuvent être très précises, mais on ne peut les appliquer que sur un matériel adéquat. Et donc voilà, si on a des sites avec des silex chauffés, pas de problème. Maintenant, le problème, c'est que de nombreux sites dont on parle en Afrique pour cette période-là n'ont pas ces silex chauffés, donc on est obligé d'utiliser d'autres méthodes. Je pense que surtout la perspective qu'offre cette découverte, c'est aussi celle d'aller voir en Afrique, ailleurs qu'en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, Vous savez, les chercheurs, évidemment, sont de grands idéalistes, mais ils sont comme tout le monde. Ils aiment bien avoir un retour sur investissement. Hein. Donc, quand ils ont de l'argent pour aller sur le terrain, ils aiment bien aller sur un terrain où ils pensent qu'ils vont trouver quelque chose. Il y a des terrains qui sont riches. La géologie de l'Afrique de l'Est, certains quartz d'Afrique du Sud sont très riches en fossiles. Donc, je ne dis pas qu'on a la certitude de trouver quelque chose, mais on a une probabilité très, très élevée. L'ennui, c'est que ça donne une vision un petit peu biaisée du passé. C'est-à-dire qu'on va avoir une surreprésentation, une surdocumentation pour certaines périodes ou pour certaines régions. Et le risque, évidemment, c'est que l'on construise des scénarios qui privilégient ces périodes ou ces endroits, alors que la réalité, si on pouvait l'appréhender dans sa totalité, est beaucoup plus complexe, voire assez différente de l'idée qu'on s'en fait. Donc voilà, l'Afrique c'est très grand, et il y a beaucoup de régions dans lesquelles bien, on va guère chercher des fossiles en fait. Vous pensez que finalement l'histoire que la paléoanthropologie a construite depuis 50, 60 ans, disons un demi-siècle, elle s'est construite en partie parce que finalement on a toujours cherché au même endroit ? Absolument, oui. Vous savez, la préhistoire, elle est née au 19e siècle en France, avec des recherches qui étaient concentrées sur le sud-ouest de la France, le Périgord. Tout le monde allait acheter sa petite collection de silex que les gens du coin sortaient des grottes. C'est un paradis archéologique, il y a une quantité de sites énormes. Et donc, voilà, on a établi des références chronologiques, des modèles évolutifs sur une région. Maintenant, est-ce que ce qui se passe dans le Périgord s'applique à ce qui se passe en Ouzbékistan ou ailleurs, au fin fond de l'Asie ? Bah, évidemment, non. Et donc, voilà, ça a été le travers un peu permanent dans le passé de construire ces modèles qui sont un peu biaisés. Catherine Hénin ? Eh bien, travers que la paléogénétique peut aider à résoudre, puisque justement, la paléogénétique permet donc d'accéder au patrimoine génétique grâce à la possibilité de récupérer de l'ADN dans ces fossiles. Et donc, parfois, et c'est le cas justement pour l'aire de répartition des Néandertaliens, on pensait qu'elle était réservée tout un temps, on pensait à l'ouest de l'Europe, et grâce au fait qu'on puisse récupérer de l'ADN et se rendre compte en fait que certains ossements pouvaient être en fait de type néandertalien et pas Homo sapiens, ça a permis donc d'élargir l'aire de répartition connue pour les néandertaliens de plus jusqu'à l'Altaï. Comment justement on peut avoir des regards différents et ne pas se concentrer uniquement dans des régions précises grâce à des données non plus aussi des données seulement de terrain donc et des données de morphologie mais également avec des études à partir donc grâce à la paléogénétique et à l'ADN. On va reparler dans quelques minutes de la paléogénétique et de l'apport immense de la paléogénétique effectivement pour comprendre comment toute cette diversité a pu être cartographiée et mieux comprise grâce justement à l'étude de l'ADN sur ces fossiles. Je voudrais juste dire un dernier mot encore et on reparlera évidemment tout à l'heure un peu de cet arbre phylogénétique plus complexe qu'il n'y paraît. James Brink qui est le responsable du site de Florisbane en Afrique du Sud où on a trouvé des fossiles datés attribués à Homo sapiens, en tout cas enfin supposément, on n'est pas tout à fait sûr, qui datent de 260 000 ans. James Brink dit on trouve aussi des pierres taillées de type Levallois datant de près de 500 000 ans à Katupan en Afrique du Sud et au Kenya. Je pense qu'on peut associer ces outils aux premiers Homo sapiens, donc il est probable que les premiers représentants de notre espèce avaient une distribution panafricaine et que celle-ci est intervenue il y a moins de 500 000 ans. Jean-Jacques Hublin. Oui, notre date à 300 000, c'est la date des fossiles les plus anciens que l'on a. Mais évidemment, je suis bien persuadé qu'un jour on en trouvera de plus vieux. Évidemment, on va se rapprocher de plus en plus de la racine. Pour l'instant, c'est ce qu'on a de plus vieux. Alors, pour ce qui est des outillages, il y a des débats entre les spécialistes sur ce que l'on doit appeler le Middle Stone Age, c'est-à-dire cette industrie qu'on trouve à Jebel Iroud, ailleurs en Afrique. Alors, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord sur l'âge de 500 000 ans pour les plus vieux Middle Stone Age. Je laisse ça aux spécialistes du silex. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que, en tout cas, vers 300 000, on trouve des outillages très semblables sur une grande partie de l'Afrique. Et notre idée, c'est qu'en fait, à ce moment-là, eh bien, les les représentants de notre espèce sont déjà répartis sur tout le continent africain. Et donc, l'idée de placer plus tard dans un espèce de foyer localisé l'origine de ce qu'on appelle l'homme moderne, je pense, est à abandonner, hein, cette idée-là. Et aussi l'idée que cet homme moderne, dans le fond, il apparaît de façon un peu adamique, brutale. Voilà, c'est un homme comme Catherine et moi, si je peux dire. Hein. Et en fait, ce que montre Jebel Iroud, c'est qu'il y a une évolution. L'évolution, ça existe. Et il y a des changements qui se sont passés entre 300 000 et 200 000 et après 200 000. Et dans le fond, cet âge de 200 000, quand on réfléchit à la façon dont il avait été établi, c'est surtout lié aux lacunes dans notre documentation. C'est-à-dire quand on a une série de fossiles et qu'avant on n'a rien, on est assez porté à croire que, eh bien, voilà, on a le début et on a toute l'histoire. Et le jour où on remplit ce vide, eh bien, on se rend compte que, eh bien, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a un dernier mot aussi peut-être sur cette étude qui a été controversée, mais qui maintenant, à l'aune de Jebel Iroud, prend évidemment d'un seul coup à nouveau peut-être une forme d'intérêt. Ce sont les dents de la grotte de Kézem en Israël, qui avaient été datées à 400 000 ans. Ça veut dire, là on ne savait pas, on dit pareil Homo sapiens, mais ce n'était pas sûr, c'était très controversé. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques Hublin? Oui, il faut réévaluer Kézem. Effectivement, alors le problème de Kézem, c'est que malheureusement ce ne sont que des dents pour l'instant, on aimerait bien avoir autre chose. Il y a aussi d'autres aspects qui sont revisités en ce moment, qui sont des aspects plus strictement génétiques. Hein. Un des arguments sur comment dater l'origine de notre espèce, c'est ce qu'on appelle le temps de coalescence, c'est-à-dire le moment où tous les rameaux actuels se réunissent vers un ancêtre commun. On a tendance un peu à confondre ce point de coalescence avec le point d'origine. Et c'est une idée fausse, hein, parce qu'on peut, évidemment, avant ce point d'origine, il existe quelque chose. On le voit avec les Néandertaliens, par exemple. Le point de coalescence de tous les Néandertaliens pour lesquels on a de l'ADN, c'est un point de coalescence qui est assez récent. Et on sait qu'avant ça, il y avait des Néandertaliens. Enfin, toujours est-il qu'il y a plusieurs papiers qui sont en ce moment soit publiés, soit en cours de publication, qui reculent aussi même ce point de coalescence. Il y a un papier qui est en ce moment soumis, qui a été mis sur un site où tout le monde peut le consulter, et qui est à 260 000 pour la coalescence de tous les hommes actuels. Donc on est en train de reculer aussi tous ces âges. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h18, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de nos origines communes et du scénario qu'il faut ou non réécrire suite notamment à la datation des fossiles de Jebel Iroud, donc d'Homo sapiens 100 000 ans plus ancien que ce qui était jusqu'à présent envisagé comme étant la date, en tout cas l'ancienneté d'Homo sapiens, c'est-à-dire à 300 000 ans au lieu de 200 000 ans. Et pour réécrire cette histoire des origines de l'humanité, eh bien la science est depuis de nombreuses années un atout précieux. Les avancées technologiques ont permis d'affiner non seulement les datations avec des techniques comme celle que l'on évoquait à l'instant, la thermoluminescence ou la résonance de spin électronique, mais également grâce à la paléogénétique et à la paléogénomique qui ont permis de mieux comprendre les mélanges génétiques entre les différentes lignées. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut Jacques Monod pour voir précisément comment travaillent les paléogénéticiens. Comment ils travaillent et surtout comment ils gèrent le problème de contamination. Car la contamination qui se produit au moment de la découverte, ou bien même au processus de fossilisation, perturbe la lecture du génome ancien. Il faut donc savoir faire le tri. Thierry Grange et Eva Maria Geigel sont paléogénéticiens à l'Institut Jacques Monod. Ils m'ont expliqué les techniques utilisées et surtout, ils m'ont raconté comment, après des contaminations, ils arrivaient à faire le tri et à faire parler les fossiles sur l'histoire des migrations et des métissages de populations. Ce qu'on retrouve maintenant dans le génome des êtres humains, c'est à peu près 2%, 2% du génome des Européens et Asiatiques qu'on va retrouver d'origine néandertalienne qu'on a en nous. Si on cumule tous les génomes qu'on connaît de ces populations européennes et asiatiques et qu'on regarde qu'est-ce qui est néandertalien dans tous ces différents génomes, on arrive à quelque chose comme 20 ou 25% du génome néandertalien qui est encore présent parmi ces populations humaines modernes. Donc on a quand même pas mal de Néandertaliens en nous. Il ne faut pas croire que tous les fossiles contiennent l'ADN. C'est toujours exceptionnel. Il n'y a pas toujours, ça ne marche pas toujours. Plus il fait chaud et plus il fait humide, moins c'est bon pour la préservation de l'ADN. Mais en fait, le fait est que moins on a d'ADN préservé, plus il suffit d'un tout petit peu d'ADN qui reste, de cet ADN moderne, pour qu'on fasse des erreurs et qu'au lieu d'analyser l'ADN ancien, on analyse de l'ADN moderne. Et comment arriver à identifier les métissages, par exemple, entre Homo sapiens et Homo neanderthalensis, sachant qu'il peut y avoir des contaminations? Ça, c'était pendant longtemps, c'était un souci. Maintenant, avec les nouvelles méthodes de séquençage, on est arrivé à avoir beaucoup plus la main là-dessus. Déjà, toutes les molécules anciennes sont endommagées. Ils portent une signature spécifique qui est aux extrémités des molécules où ils sont abîmés. C'est la signature qu'on cherche pour authentifier les résultats. Et on peut aller jusqu'à une étape où on choisit, dans notre traitement bioinformatique, on choisit uniquement les molécules abîmées, de telle manière à réduire le risque d'avoir la contamination. Réduire, je dis, c'est pas exclu, parce qu'on peut avoir l'ADN contaminant aussi, qui est déjà vieux et qui porte la même signature. Alors là on va vous emmener dans la partie... Le Genomic Park. Le Genomic Park, où on a un certain nombre de machines. Et ici, les machines que vous avez devant vous, c'est des analyses de PCR qu'on appelle quantitatives. En fait, selon les extraits fossiles, on va en sortir plus ou moins d'ADN. Là, je vois qu'il y a une machine automatique. Là, vous avez un robot pipeteur qui est en train de préparer une réaction de PCR quantitative. Il y a beaucoup d'échantillons à faire ici. Donc, ce sont presque 400 échantillons. Et là, pipeter ça à la main, on risque d'introduire des erreurs. Donc, le robot, à ce stade-là, est plus fiable. À l'échelle encore supérieure, on peut avoir des micro-plaques avec des micro-trous qui vont contenir là des millions de trous. Donc là, qu'est-ce que vous avez pris? Donc là, ce que je tiens entre les mains, en fait, c'est une puce silicium qui contient des millions de trous dans lequel on va mettre des micro-billes. Et sur chaque petite bille, il y aura une séquence d'ADN ou une population de séquences d'ADN qui proviennent d'une séquence d'ADN qui seront déposées. Et cette petite puce de silice permet de mesurer des micro-changements de pH, donc d'acidité en fait, qui se produisent lorsque une ADN polymérase va incorporer des nucléotides. Et en fait, on va mesurer des changements de pH en fonction des nucléotides qu'on ajoute, et c'est ça qui nous permet de lire la séquence. Donc ça, en fait, ce que vous avez devant vous, c'est un petit séquenceur qui permet, sur la base de ce principe-là, d'analyser plusieurs millions de séquences à la fois. Et puis, il y a une autre machine de séquence à côté, de séquençage à côté, qui permet d'aller jusqu'à analyser des milliards de séquences différentes à la fois. Et en fait, on va toujours comparer des génomes anciens avec des génomes modernes. Et quand on est dans une situation où on a beaucoup de génomes modernes, on peut reconstituer déjà beaucoup de choses avec relativement peu de génomes anciens. Évidemment, si on a beaucoup de génomes anciens et beaucoup de génomes modernes, on peut encore mieux comprendre l'histoire qui s'est passée. Nous, au laboratoire, par exemple, on étudie les événements populationnelles qui se sont produites depuis le néolithique en France jusqu'au Moyen-Âge. Donc quelles populations sont arrivées, comment elles se sont métissées, répandues, diffusées, et ça on fait en collaboration étroite avec les archéologues pour faire la synthèse entre nos données biologiques et les données culturelles qui sortent des contextes archéologiques. Les archéologues aussi font des hypothèses, hein. C'est pas des vérités non plus, hein. On fait de la science. Donc de telle manière, on peut voir qu'il y avait tout le temps des migrations, des populations, tout le temps des métissages. Et ça, on voit dans le génome. Et après, on essaye de corréler ça avec les différentes cultures. Parce que c'est pas toujours lié. On peut avoir une diffusion culturelle qui n'est pas liée à une diffusion démographique. Donc c'était juste les techniques et les produits qui ont été échangés par différentes populations, ou bien il y avait, comme c'était le cas pour les néolithiques, donc les premiers agriculteurs qui sont arrivés d'Anatolie, donc de Turquie ou du Proche-Orient, qui sont arrivés en Europe, que c'est pas seulement les techniques révolutionnaires à l'époque qui ont été introduites, c'était les gens sont venus avec. Donc ces processus-là, on peut les discriminer avec, en mettant ensemble les différentes approches archéologiques et paléogénomiques. Voilà. Voilà le reportage de Céline Lozen à l'Institut Jacques Monod sur le travail de ces paléogénéticiens. C'est votre travail, Catherine Henny. On voit que la paléogénétique a complètement bouleversé l'approche qu'on pouvait avoir sur le rapport aux fossiles et a amené un nombre d'informations complémentaires qui, là aussi, ont vraiment complètement contribué à changer la carte, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, en tout cas la distribution d'un certain nombre de populations. Vous vouliez réagir à ce reportage ? Oui, je voulais dire que, après ce reportage donnant des informations très techniques sur la paléogénétique et la paléogénomique, qui avait quand même quelque chose de fondamentalement important et de primordial à dire, c'est que la paléogénétique est basée sur le fait qu'on puisse récupérer de l'ADN dans des fossiles. Donc c'est pour ça que, et par définition, un fossile, dans un fossile, je crois que ça a été dit dans le reportage, il y a eu transformation de la matière organique en matière minérale par le phénomène de taphonomie. Donc, pour être clair, la paléogénétique ne pourrait pas être appliqué vraiment à des fossiles, et c'est pour ça que je préfère parler d'ADN ancien, c'est-à-dire plutôt de subfossiles, des éléments dans lesquels, en fait, il reste encore un petit peu de matière organique, d'ADN en particulier, pour pouvoir l'analyser. Et ça dépend plus que du temps, ça dépend de l'environnement, ce qui est extrêmement important et favorable au fait d'aller et d'avoir dans le futur les possibilités d'aller revoir, je dirais, en fait, certains, entre guillemets, fossiles, donc subfossiles, pour pouvoir faire ce type d'analyse. Alors, ça, c'est une chose, mais ce qui est aussi intéressant, peut-être, à dire, c'est que cette paléogénétique, donc, elle peut être, elle permet d'aller voir ce qui se passe dans un fossile, hein, devoir récupérer cet ADN, mais on connaît maintenant aussi des approches qui permettent, en fait, de récupérer de l'ADN restant dans des environnements et qui se sont en fait absorbés à des substrats minéraux, des sédiments, etc. Donc, et ça, c'est des papiers qui sont sortis assez récemment, grâce à la paléogénétique, on peut non seulement à partir de fossiles faire des analyses, mais également à partir de restes sédimentaires sur lesquels il y a de l'ADN éventuellement de néandertaliens qui a été attrapé. Oui, c'est ça, il y a une publication qui date de fin avril qui montre que précisément des scientifiques ont réussi à isoler de l'ADN humain et animal dans des sédiments, c'est-à-dire même en l'absence de fossiles aujourd'hui, on peut faire parler des sites et savoir s'il y a eu des présences humaines, même s'il n'y a pas de traces donc fossiles de présence humaine finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors ce papier-là, qui est sorti il y a quelques semaines, est assez exceptionnel dans le sens où il y a un grand nombre de sites qui ont été analysés. Ceci dit, c'est méthodes de paléogénétique sont utilisées quand même depuis presque 10 ans pour faire ce qu'on appelle de l'ADN environnemental, c'est-à-dire non seulement pour aller rechercher de l'ADN humain ou d'espèces sans avoir de restes macrofossiles, mais de restes en fait, mais également pour aller connaître des espèces et tout ce qui est environnemental autour justement concernant l'environnement de ces sites. Jean-Luc Blin. Oui, alors Catherine l'a assez bien souligné, et ça a été dit aussi dans le reportage, malheureusement, il n'y a pas de l'ADN partout, dans tous les fossiles, dans tous les sédiments, et à toutes les époques et dans tous les endroits. C'est même plutôt rare, de facto. Oui. Alors, concrètement, en fait, l'ADN, il se dégrade au cours du temps, et cette dégradation, elle est accélérée par un certain nombre de facteurs, en particulier la température, qui fait chaud. C'est pas très bon pour l'ADN. Ce qui fait que, en fait, l'ADN ancien a apporté une lumière complètement nouvelle sur l'évolution humaine récente, disons les derniers 100 000 ans, pour dire les choses de façon simple. au-delà de cet horizon-là, on a quelques traces, si je peux dire, qu'on essaie d'exploiter au mieux. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, de paradoxal pour quelqu'un qui s'intéresse à l'évolution humaine, c'est que le cœur démographique et évolutif des hommes qui est l'Afrique, eh bien, c'est un cœur pour lequel on ne sait rien du point de vue de la paléogénétique, sauf pour des périodes très récentes. Quand je dis très récentes, je parle de quelques milliers d'années, peut-être 20 000 ans maximum. Et donc, il y a ce paradoxe qu'on connaît beaucoup de choses. On a le génome néandertalien qui a été séquencé avec un luxe de précision extraordinaire. Donc, on sait beaucoup de choses sur la périphérie. On sait presque rien sur le centre. Mmh. On ne sait rien sur l'origine de notre espèce en termes de paléogénétique. On peut essayer d'apprendre des choses de la génétique des populations actuelles. Mais malheureusement, on m'a posé la question 50 fois ces derniers jours. Les fossiles de Jebel Irhoud ne contiennent pas d'ADN. Enfin, en tout cas, avec les méthodes actuelles, on n'en voit pas. Mais est-ce que précisément, Catherine Henny, avec ces nouvelles méthodes de séquençage des sédiments, on ne va pas pouvoir retourner sur les zones de fouilles pour essayer de trouver du coup un ADN ou des traces ADN qui seraient conservées en dehors précisément des fossiles? Oui, c'est envisageable, mais ceci dit, le problème que Jean-Jacques vient de soulever sera le même, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas parce que c'est pas dans un fossile qu'il n'y a pas autant de problèmes de conservation de l'ADN. Alors, c'est vrai que, bien sûr, il y a le temps qui est important pour la dégradation de l'ADN, mais l'environnement est aussi est important. Donc, le fait, et on sait, ça c'est vrai, le fait que l'ADN soit absorbé sur un substrat minéral permet de le conserver mieux. Donc voilà, il y a de l'espoir de ce côté-là. Peut-être un peu d'espoir, oui, Jean-Jacques Hublin. Alors, il y a de l'espoir qui vient d'autre chose que l'ADN. Mm-hmm. Qui vient d'où? C'est-à-dire que maintenant on commence à s'intéresser à des molécules organiques qui ne sont pas de l'ADN, qui se conservent mieux. Alors évidemment, elles ne vont pas nous apporter le genre d'information que l'ADN nous livre, qui est absolument extraordinaire. Mais nous avons publié dans mon laboratoire un papier ou deux sur cette thématique, mais je sais qu'il y a beaucoup qui poussent derrière et il va y en avoir d'autres bientôt. Les protéines anciennes. La paléoprotéomique. On pense que, en gros, on a des protéines qui potentiellement pourraient avoir une longévité à peu près 10 fois supérieure à celle de l'ADN. On a décrit des protéines sur des choses en Afrique qui ont plus de 2 millions d'années. Donc, il y a un espoir de faire de la phylogénie moléculaire sur les protéines. Et ça, c'est un domaine... si j'étais un jeune chercheur, je me jetterais là-dedans, parce que c'est quelque chose qui est en gestation. On assiste à la naissance d'une discipline. D'une nouvelle branche qui devrait permettre, sur cette paléoprotéomique, Catherine Henny, c'est vraiment une source d'espoir pour le futur et pour peut-être pouvoir appliquer ces méthodes de la paléogénétique à d'autres choses que de l'ADN. Oui, moi je pense qu'en effet les technologies bougent et le fait même de se pencher sur ce type de restes, ça va amener justement à la précision de certaines techniques, etc. Ceci dit, moi... Bon, voilà, je veux pas absolument dire que je sois sceptique, je dis juste qu'on va avancer à petits pas, parce que j'ai aussi connu, il y a 20 ans environ, la position inverse à l'époque, on disait que l'ADN se conservait mieux que les protéines. Donc moi, tout ça, je pense qu'il n'y a rien de... Tout dépend tellement de l'environnement. Et dans le fond, on retombe sur un problème, je dirais, conceptuel, qui sont que, dans le fond, qu'on fasse de la protéomique, qu'on fasse de la paléogénétique, enfin, quelque part, nous sommes des archéologues de l'ADN, au même titre que les paléontologues et les archéologues. C'est-à-dire qu'on va chercher un matériel qui a subi les dégradations du temps et de l'environnement, qui n'est plus dans les mêmes conditions. Voilà. Donc, on y arrivera. Prudence. Mais prudence. mais en effet, et on retombe sur ce qui a été dit au départ, c'est le fait même que... on va avoir un regard particulier sur ce type de méthode maintenant et qu'on va peut-être développer des outils. qui va faire qu'on puisse les... Ça va se développer. Je pense qu'il y a des allers-retours entre les concepts et la technique sans arrêt. Et donc, voilà. Okay, un mot tout de même pour parler plus généralement de la paléogénétique et de la paléogénomique. Quelles sont les informations? Quelle est la gamme, le spectre d'informations que peuvent apporter des brins ADN quand vous y avez accès? Alors, on va voir que ça donne des liens qu'on a vus, qu'il y avait par exemple des métissages entre les différentes espèces. Mais ça, vous disiez tout à l'heure que pour Néandertal, ça a permis de montrer que le spectre de répartition géographique était beaucoup plus ample que ce qu'on pensait. Mais quel autre type d'informations a apporté la paléogénétique depuis les 20 dernières années, c'est-à-dire depuis que le séquençage génétique a énormément progressé et s'est énormément démocratisé? La paléogénétique en soi a amené des... Enfin, je veux dire, c'est un champ qui s'est ouvert, vraiment une nouvelle discipline. Hein, puisque certes, on est ici aujourd'hui pour parler de ce qui est de l'évolution de l'homme précisément, mais ça, c'est ça, on peut, la paléogénétique peut être appliquée dans un champ de domaines extrêmement variés. Bien sûr, tout ce qui est paléontologie, ce qui est archéologie, tout ce qui sont des applications aussi qui sont peut-être certes classiques maintenant, mais qui tout ce qui est la traçabilité, tout ce qui a été les applications aussi en police scientifique, tout ça vient de la paléogénétique en fait. Donc, pas seulement au point de vue de l'évolution, comme je l'ai dit, mais au point de vue de tout ce qui est environnemental. Et ça aussi, c'est absolument nécessaire pour connaître en fait l'évolution de l'homme, connaître l'environnement dans lequel il a évolué et il s'est adapté. Et donc, la paléogénétique permet, par exemple, ce nouveau regard. Jean-Jacques Hublin ? Oui, je voulais dire que la paléogénétique, évidemment, au début, on s'est surtout intéressé à des questions de phylogénie, c'est-à-dire... L'homme de Néandertal, est-ce qu'il est ancestral ou pas? Le point de divergence dans le temps, est-ce qu'on peut l'établir? Et puis, il y a une deuxième phase où on a commencé à produire des résultats qui étaient un petit peu différents, où on s'est intéressé à la démographie, par exemple, à essayer de reconstituer la taille des populations. Des choses assez extravagantes, hein, c'est-à-dire sur un fossile de Néandertalien, savoir si les parents, c'était des cousins au premier degré, un grand-père et sa petite-fille ou je ne sais quoi. Enfin, on arrive à ce niveau-là de précision. Et puis, je pense qu'il est devant nous, et ce qui est en train de se passer maintenant, c'est encore plus ambitieux, c'est-à-dire de pouvoir interpréter le phénotype, le mettre en relation avec le génome. Et là, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais les différences en termes de génome qu'on a entre Néandertal, l'homme moderne, les histoires d'hybridation, pour l'instant, en termes de phénotype, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. C'est-à-dire, on ne sait pas trop si, par exemple, les 2% de vos 2% d'ADN néandertalien... Peut-être qu'il y en a 4, qu'en savez-vous? Voilà, moi j'en ai 2,9, il paraît. C'est vrai, vous l'avez fait établir. Mais pour l'instant, c'est pas très bien, mis à part pour quelques systèmes immunitaires, des choses comme ça, exactement à quoi ça correspond. Sur le plan du phénotype, peut-être que ça correspond pas à grand chose, c'est-à-dire qu'en termes de caractère, voilà. Et ces gènes-là ne sont pas forcément traduits, sont pas forcément. Donc, exprimés. Ça, c'est quelque chose qui intéresse maintenant les généticiens deviennent de plus en plus ambitieux et nous, on les attend un peu au tournant parce que. Ça fait longtemps qu'on leur dit bon d'accord et puis quoi finalement c'est quoi l'effet de ces différences. Il faut préciser que nous avons que toutes les populations européennes et asiatiques ont entre 2 et 4% de matériel génétique, non, c'est pas ça? Autour de 2% de matériel génétique a priori hérité de Néandertal. Oui, Catherine. Oui, alors moi j'aimerais rebondir sur quelque chose que dit Jean-Jacques, le fait d'associer en fait ce qui est génétique et ce qui est phénotypique et ça va paraître assez éloigné, mais dans le fond, non. Au laboratoire, par exemple, nous avons travaillé sur la domestication du chien en particulier. Et là, le phénomène de domestication est intéressant parce qu'en fait, c'est une évolution assez rapide dans le temps. Et donc, on voit bien, en fait, on peut tout à fait suivre ce qui est de l'évolution morphologique sur un temps déterminé. Et puis, on peut suivre ça avec les changements génétiques. Donc, voilà aussi pourquoi on s'est intéressé à cet aspect-là, c'est de pouvoir corréler les deux, puisque grâce aux pressions de sélection très fortes qui sont la sélection par l'homme, hein, on le voit très bien chez les chiens où on a à partir du loup et très rapidement plusieurs centaines de races de chiens à l'heure actuelle, eh bien on peut suivre en fait, et faire ce parallèle. La domestication du chien, c'est quand à peu près? Ça remonte à quand? En fait, les premiers chiens, il y a beaucoup de discussions là autour. C'est probablement le premier animal domestiqué environ il y a 15 000 ans. 15 000 ans à peu près. Un mot pour sur toutes ces techniques, parce que là on parle de paléogénétique, on parle de paléoprotéomique pour l'étude des protéines. Vous évoquiez tout à l'heure des techniques qui ne sont peut-être certes pas toutes jeunes, mais qui ont quand même bouleversé le rapport à la datation. Depuis le carbone 14, on a évoqué tout à l'heure la thermoluminescence, la résonance de spin électronique. Vous avez le sentiment que la paléoanthropologie, en règle générale, vit depuis une quinzaine d'années une forme de révolution techniciste qui nous permet tout de même effectivement de retirer le flou de cet arbre phylogénétique et d'en discerner de plus en plus les détails. Jean-Jacques Hublin. Oui, il y a eu une révolution méthodologique en paléanthropologie, mais qui ne se limite pas à la paléogénétique. Il y a eu de nombreuses méthodes qui se sont développées, qui sont allées dans deux directions assez opposées d'ailleurs. Une paléanthropologie virtuelle, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais qui consiste en gros à travailler sur des objets virtuels, sur des avatars, des fossiles, et en utilisant des outils mathématiques pour mesurer les différences de formes, faire de la simulation. Et puis une autre direction qui est vraiment l'analyse de la substance elle-même des fossiles, alors pour extraire de l'ADN, pour extraire des protéines, pour extraire des protéines, des isotopes de différents éléments pour reconstituer l'alimentation, les déplacements des individus, leur environnement, enfin tout un tas d'aspects de la vie quotidienne des gens qui est accessible par cet effort qui est fait dans le sens de la chimie, en fait. Donc toutes ces méthodes-là, c'est vrai qu'elles ont modifié une discipline qui, enfin, quand j'étais étudiant, la paléanthropologie, c'était quand même beaucoup regarder des creux et des bosses sur les os et essayer d'en tirer quelque chose sur le plan évolutif. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils à notre disposition. Catherine. Oui, bon, je rebondis et je vais dans le même sens que Jean-Jacques. Je veux dire, dans le fond, très peu de temps, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai vécu aussi les débuts où il y avait d'un côté ce qui était la paléo-anthropologie et puis de l'autre côté ces nouvelles techniques. Et je crois que maintenant, ce temps, il est complètement révolu. Et je me souviens, j'étais étudiante à l'époque, c'était pas si simple de développer ces nouvelles méthodologies dans le monde de la paléontologie parce qu'il y avait une espèce de peur des paléo-anthropologues comme quoi on allait peut-être destituer. Et moi, c'est ce que j'avais toujours dit. J'avais toujours dit non, c'est complémentaire. Ouais. On a de toute façon absolument besoin des fossiles. Et les fossiles, c'est pas au hasard qu'on les trouve. Ouais. Les fossiles, il faut déjà savoir où aller les chercher. C'est déjà énorme. Et donc, cette complémentarité, elle existe maintenant. Elle a été prouvée. Là. L'histoire vous a donné raison, Jacques Hublin. Oui, il y a une méthode qui se développe beaucoup là, ces derniers temps, qu'on appelle ZOOM, ça veut dire la zooarchéologie par spectrométrie de masse. C'est une méthode qui est très rapide, très peu coûteuse, qui permet de déterminer au niveau du genre l'identification de fragments osseux. Et donc, on peut traiter des centaines, voire des milliers de fragments osseux et sortir une liste de faune, dire voilà, il y a tels animaux qui sont représentés. Quand on a commencé à faire ça, les gens qui étaient des gens qui faisaient de la zooarchéologie, l'archéozoologie classique, certains ont pris peur, ont dit mais on va plus avoir besoin de nous. Et en fait, c'est excusez-moi de dire ça, mais c'est un peu idiot. Pourquoi ? Parce que en fait, les résultats qui sont apportés par ces méthodes sont des résultats d'une nature différente et complémentaire. Et le fait est que dans l'analyse d'un gisement, on a besoin des deux. C'est-à-dire que l'archéozoologue, il va nous donner des informations sur le traitement des carcasses, des animaux, l'économie, la façon dont ils sont débités, etc., que ZOOM ne résoudra jamais. Et par contre, c'est intéressant aussi pour l'archéozoologue d'avoir des informations sur des espèces rares qui sont représentées que par des fragments non identifiables dans un site. Donc il faut les deux, en fait. Absolument. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h45, vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de paléogénétique, de paléoanthropologie, de l'histoire de nos ancêtres qui se diversifient, qui se complexifient, mais qui se précisent tout de même avec Jean-Jacques Hublin qui est paléanthropologue et Catherine Henny qui est paléogénéticienne. Alors avec cette révélation de Djebel Yehoud, on se retrouve maintenant avec au moins 5 espèces humaines sur les bras qui cohabitent sur Terre à la même époque. On a Néandertal, on a Denisova, on a Naledi, on a Flores, on a Sapiens. Est-ce qu'on commence à penser, est-ce que le scénario d'une origine multiple de Sapiens commence à devenir un scénario crédible, ou est-ce que c'est toujours de la préhistorico-fiction, si je puis me permettre ce néologisme, Jean-Jacques Hublin? Alors, il faut être clair, hein. Quand on dit qu'il y a toutes ces formes, on n'est pas très sûr qu'il faut les appeler des espèces. C'est un autre débat qu'on va pas avoir aujourd'hui, mais disons toutes ces formes, ça n'implique pas qu'elles sont toutes ancestrales d'hommes modernes aujourd'hui. En fait, on pense exactement le contraire. C'est-à-dire, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une d'entre elles, qui est ce fameux Homo sapiens africain, qui, à un moment donné, a commencé à se répandre partout et, dans le fond, a remplacé ou a absorbé tout ce qu'il trouvait sur son chemin et a allé coloniser des régions où il n'y avait jamais eu d'hommes. Donc, en fait, je pense que ce qui est nouveau, dans le fond, c'est que on a longtemps cru, et jusqu'à il y a pas très longtemps, que ces formes différentes, elles existaient à un moment donné sur Terre, dans des régions complètement différentes, c'est-à-dire les Néandertaliens en Eurasie occidentale, les Denisoviens en Asie, Flores là-bas dans sa petite île. Dans sa petite île, oui. Enfin, ce qui est en train d'émerger, c'est encore plus troublant, c'est-à-dire en Afrique en particulier. Si les dates de Naledi à 300 000 ou quelque chose comme ça sont confirmées, je suis pas sûr qu'elles le soient, mais si elles sont confirmées, et si d'autres dates qui ont été produites pour d'autres hominines un peu archaïques sont aussi confirmées, alors là, c'est beaucoup plus troublant, parce que ça veut dire, sur un continent comme le continent africain, on a plusieurs formes humaines qui coexistent. Et ça, pour nous, espèces orphelines, qui est une espèce extrêmement homogène, qui peuple toute la Terre avec une origine commune, dans le fond, assez récente, ben, c'est quelque chose qui est assez difficile à imaginer. Mais en même temps, ben, ça a toujours été, finalement, le cas dans le passé, jusqu'à il y a environ 40 000 ans. On a toujours eu, quand je dis plusieurs hommes, c'est vraiment des hommes très différents les uns des autres. Rien de ce qui correspond à la diversité actuelle des hommes modernes. Ce qui est certain, c'est qu'il est devenu totalement impossible aujourd'hui de penser l'évolution humaine comme une continuité linéaire. On voit que, comme vous le dites, il y a plusieurs branches simultanées qui se mélangent. La paléogénétique nous indique que il y a eu une hybridation des espèces. Comment est-ce qu'il faut repenser cette nouvelle histoire de l'humanité? Comment est-ce qu'il faut reconstruire cette histoire des origines, selon vous, Jean-Jacques Hublin? D'abord, je pense que c'est quelque chose qui peut paraître un peu contre-intuitif, mais il faut bien se rendre compte que l'évolution, c'est avant tout une histoire d'extinction. Donc, l'extinction, c'est très important. On a beaucoup de branches dans n'importe quelle famille de mammifères du passé ou d'autres vertébrés. On va avoir énormément une variété très grande, et la plupart de ces formes disparaissent. Et elles, à un moment donné, elles s'éteignent et elles sont remplacées par d'autres. Et c'est ce qui est arrivé dans l'espèce, enfin avec les hommes. C'est-à-dire qu'on a, au cours des deux derniers millions d'années, toute une variété de formes humaines. Et pour des raisons, alors, qui sont pas très très bien comprises et sur lesquelles il y a, je dirais, un certain débat, eh bien, il y a une des formes qui, à un moment donné, a remplacé toutes les autres dans une période relativement courte. Ce qui est aussi apparu récemment, c'est que dans le fond, bah, toutes ces branches, elles sont pas complètement séparées. Et ça questionne justement cette notion d'espèce. C'est-à-dire qu'il y a des flux géniques entre toutes ces formes. Alors, c'est rarement massif, mais ça existe. Et d'ailleurs, maintenant qu'on fait du séquençage d'ADN nucléaire pour pas très cher, et qu'on peut séquencer à peu près tout ce qu'on veut, eh bien, on se rend compte que, ben, dans le fond, les ours, les chevaux, les éléphants, les baleines, tout le monde a fait pareil. C'est-à-dire, il y a des hybridations entre espèces proches qui représente un phénomène absolument trivial dans la nature. Et ça, évidemment, c'est assez embêtant pour la définition biologique de l'espèce, parce que bah, on se retrouve avec des espèces, dans le fond, qui rentrent pas dans la définition biologique de l'espèce. Il y a une question, par exemple, pour ne prendre qu'une de ces espèces, alors appelons-la espèce, même si c'est sujet à controverse, Denisova, on sait toujours pas très bien quoi en faire de Denisova. En plus, on a assez peu d'échantillons, et on retrouve, la paléogénétique nous indique qu'on retrouve des gènes de Denisova dans les populations himalayennes, chez les Inuits, mais aussi chez les Papous. Ah, moi, je sais quoi en faire. Ah bon? Qu'est-ce qu'on en fait de Denisova? Non, mais c'est-à-dire que déjà, quand on a identifié les Denisoviens, assez vite, surtout quand on a eu de l'ADN nucléaire, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un groupe frère des Néandertaliens. Donc, en gros, il y a 400 000 ans, à cause de l'isolement, à cause de la distance, ben, ces populations qui peuplent l'Eurasie, elles se divisent en deux grands ensembles, les Néandertaliens plutôt à l'ouest, les Denisoviens plutôt à l'est. Alors, les Néandertaliens sont représentés par de nombreux fossiles qu'on a identifiés comme les Néandertaliens et on a trouvé de l'ADN sur ces fossiles. Alors, ce qui s'est passé en Europe ou au Proche-Orient ne s'est pas passé en Asie. C'est-à-dire qu'en Asie, on a identifié les Denisoviens sur des fragments osseux qui ne portaient aucune information morphologique. Maintenant, cela étant dit, en Asie, on a toute une série de fossiles qui sont au bon endroit et à la bonne époque, c'est-à-dire en gros entre 400 000 et 100 000, en particulier en Chine, qui ont des caractères qui rappellent un petit peu les Néandertaliens pour certains de ces caractères, qui ont un grand cerveau, qui ont tout un tas de choses, qui dans le fond, j'allais dire, correspondent au portrait robot de ce qu'on attend pour un Denisovien. Alors le fait est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été capable, mais ça on retrouve ces problèmes d'environnement, de température, etc. On n'a pas été capable sur ces fossiles-là d'extraire de l'ADN identifié comme Denisoviens, mais moi je suis persuadé qu'on a énormément de Denisoviens dans nos tiroirs, en tout cas pas dans les miens, mais dans ceux des collègues chinois, j'en suis absolument certain. C'est-à-dire qu'il y a plus de fossiles que ceux qui ont été exploités jusqu'à présent? Oui, c'est-à-dire qu'il y a en Asie toute une série de fossiles qui sont très probablement des Denisoviens, mais pour lesquels on n'est pas capable d'extraire de l'ADN et donc on les appelle n'importe comment, si je peux dire. Mais de mon point de vue, ce sont très certainement des Denisoviens, c'est-à-dire c'est un groupe frère des Néandertaliens en Asie. Donc on sait très bien quoi faire des Denisoviens tout compte fait. Oui, oui. Et à 16h52, le futur de la paléoanthropologie est peut-être avec nous en duplex depuis les locaux de France Bleu Aquitaine à Bordeaux, puisque comme chaque mercredi, nous recevons un doctorant qui a 4 minutes pour nous raconter son sujet de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc en duplex Dany Coutinho-Noguera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse à l'école pratique des hautes études au laboratoire PACEA. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Merci de votre invitation. Donc, ma thèse réalisée au sein de l'école pratique des hautes études sous la direction de Mesdames Cocogno et Tillier porte sur l'application des méthodes de l'imagerie numérique à la paléanthropologie, c'est-à-dire à la branche de l'anthropologie qui étudie l'évolution humaine. Le principal problème de cette discipline scientifique est l'état de conservation des fossiles humains qui ne permet pas toujours de retirer toutes les informations qu'ils renferment. Certains fossiles, anciennement découverts, sont ainsi dans une sorte de sommeil scientifique, attendant dans les collections qu'on vienne les réveiller. L'information dont ils sont porteurs existe bien, mais elle n'est pas accessible aux études directes classiques. L'objectif de ma thèse est de révéler cette information grâce aux nouvelles méthodes de l'imagerie tridimensionnelle. Ces méthodes présentent le grand avantage d'être réversibles et non destructrices et permettent une restauration et une reconstruction virtuelle des fossiles humains qui révèlent certaines des informations cachées. J'ai commencé mon travail sur deux crânes datés du paléolithique moyen et représentant les premiers hommes anatomiquement modernes découverts au Proche-Orient dans le site de Kavzé, qui est situé au sud-est de la ville de Nazareth en Israël. Ces niveaux archéologiques ont livré des fossiles datés entre 90 et 100 000 ans. La richesse de ces découvertes paléanthropologiques est unique, non seulement pour le Proche-Orient, mais aussi pour toute l'Eurasie, avec l'existence de sépultures qui sont parmi les plus anciennes découvertes à ce jour. La série d'individus mis au jour représente toutes les classes d'âge, du nouveau-né à l'adulte. La région du Proche-Orient est considérée par les spécialistes de la préhistoire comme stratégique, notamment à la période que nous évoquons. En effet, des fossiles humains sont associés dans cette région à une même culture matérielle, le moustérien. Mais il semble exister une diversité anatomique qui fait l'objet de vifs débats quant à son interprétation, homme d'anatomie moderne, néandertalienne ou autre. Pour répondre à cette question, chaque fossile compte. Je travaille donc sur deux spécimens du site de Kavzé ayant subi une altération d'une partie de leur squelette, Kavzé 9 et Kavzé 25. Le premier, Kavzé 9, une adolescente d'environ 15 à 19 ans, présente un crâne avec des altérations et des déformations qui ont limité en partie son étude complète. Le second spécimen, Kavzé 25, est un sujet adulte dont la tête osseuse, crâne et mandibule a été complètement écrasée sous le poids des sédiments. On a une sorte de galette de quelques centimètres d'épaisseur contenant des fragments osseux agglomérés entre eux par du sédiment concrétionné. De ce fait, ce spécimen n'a toujours pas été placé dans la variation morphologique des sujets mis au jour dans le site de Kavzé. La première étape de ma recherche a été d'obtenir des acquisitions tomodensitométriques de ces crânes, c'est-à-dire tout simplement de réaliser des scanners, de la même façon que les malades en bénéficient à l'hôpital, dans un service d'imagerie médicale. La deuxième étape, la plus longue, qui nécessite beaucoup de patience, est de traiter ces images par des logiciels spécifiques d'imagerie tridimensionnelle. En effet, il faut différencier chaque fragment sur chaque scoop de scanner qui en compte des centaines. Ce travail doit se faire manuellement et ne peut être réalisé que par un paléanthropologue. Ensuite, on va replacer le fragment ainsi différencié à l'emplacement qu'il devrait avoir. Si une région anatomique du crâne fossile est absente, elle peut être reconstruite en copiant la partie symétrique préservée. Sinon, la restauration virtuelle d'une zone manquante peut se faire par calcul à partir d'échantillons ostéologiques de référence. La troisième étape consiste à valider les restaurations crâniennes obtenues en utilisant un autre système mathématique que l'on appelle la morphométrie géométrique. Ces nouvelles méthodes d'imagerie tridimensionnelle deviennent à présent indispensables aux paléoanthropologues. Elles permettent d'optimiser au maximum les données fossiles, qui sont par définition rares et incomplètes, et d'accroître ainsi nos connaissances sur la mise en place de l'anatomie humaine actuelle. Merci beaucoup Dany Coutinho-Noguera, Catherine Henny, Jean-Jacques Hublin. Donc peut-être grâce à ces travaux-là, on finira par catégoriser les fossiles dont vous parliez, comme Denisova en Chine, dans les tiroirs de ces académies d'archéologie chinoise. Eh bien, ce projet, c'est un projet qui est très intéressant parce que ces fossiles qu'on a au Proche-Orient, donc autour de 100 000 ans, un petit peu, certains sont un peu plus anciens, sont des représentants de populations qui sont sur la frontière, c'est-à-dire sur la frontière entre le monde des Néandertaliens et le monde des hommes modernes qui commencent à sortir d'Afrique et qui sont déjà au Proche-Orient, peut-être dans la péninsule arabique. C'est vrai que dans le fond, la question qui se pose, c'est depuis quand datent les interactions biologiques ou comportementales entre ces deux groupes, et est-ce qu'on peut en trouver les signes dans l'anatomie de ces spécimens. Alors notre maître Bernard van der Merch, Anne-Marie Tillier, à moi-même, a travaillé beaucoup sur ces fossiles de Cavzés. Nous avons aussi travaillé là-dessus, et donc voilà, une nouvelle génération qui continue et qui s'attache, si je peux dire, à exploiter, eh bien justement, ce qui n'était peut-être pas le plus facile à étudier, ces spécimens qui sont très déformés, très abîmés, et qu'on peut aujourd'hui exploiter grâce à ces méthodes virtuelles. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin, merci Dany Coutinho-Noguera, merci à nos collègues de France Bleu Aquitaine, à Bordeaux pour le duplex, merci à vous Catherine Henny d'avoir accepté notre invitation, puis je peux renvoyer également à votre livre Jean-Jacques Hublin, coécrit avec Claudine Cohen, Boucher des Pertes, les origines romantiques de la préhistoire aux éditions Belin dans la collection Poche Alpha. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Yanis Djoudad à la technique et Jean-François Souvilly au droit d'auteur. Et demain, nous profiterons du Salon du Bourget qui se tient en ce moment même pour retracer l'histoire des machines volantes de Léonard de Vinci au Concorde, en passant par les dirigeables jusqu'aux avions du futur. Vous saurez tout sur les façons dont la science a permis à l'homme de faire comme un oiseau. Dans quelques instants, troisième épisode de la série documentaire LSD consacrée au troisième âge cette semaine par Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.